Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez RLM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. Et ça va même être meilleur puisque ce soir vous êtes dans l'émission 120 au compteur, comme tout, bah ça y est, ça commence très bien, comme tous les mardis soirs, donc de 20h à 22h. Salut, c'est Harry. Alors je suis content, on est l'équipe est complète et on va commencer par Onissa. Tiens, ça fait longtemps qu'elle était pas venue. Salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bah bien, et toi, c'est à toi qu'il faut poser la question. Je vais bien. Tu n'as pas changé, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait point vu dans notre émission et on est content de te retrouver ce soir. Tu vas nous faire une petite chronique, il paraît. Ouais. Et tu vas nous parler d'un dessin animé. Ah bien, des années 80 je crois. Ouais. Bon, eh ben on parle des années 80, on a aussi avec nous Canon. Bonsoir la France, bonsoir la Belgique, les deux équipes qui ont déjà gagné pour l'instant. Oui. Bonsoir l'Europe et pour l'Italie, dommage. Et lui aussi, ça faisait longtemps dis donc qu'on l'avait pas vu Canon. Moi j'étais pas là mardi, c'est tout. C'est vrai en plus, c'est vrai. Mais quand tu n'es pas là à chaque fois, on se dit mais ça fait une éternité qu'on ne l'a pas vu. C'est pas ce que vous dites à l'antenne quand je suis pas là. C'est pas faux. Je suis content que vous ne le pensiez pas. C'est pas faux. Canon, toi tu vas nous parler donc de... Bah écoute, c'est bientôt la fête de la musique. C'est vrai. Donc j'ai pris, comme tu disais le terme tout à l'heure, la genèse, c'est-à-dire revenir un peu d'où c'est qu'elle vient cette fête de la musique et de quand. Ah bah ça voilà, c'est bien. On va parler de ça. Et aussi championnat du monde de chant. Et on va parler de Diantel. Je parlerai de ça aussi. Bien. Ah voilà. Sympa, cool. Sympa. Ouais. Tiens, en parlant de fête de la musique, c'est aussi une fête, c'est notre fête à nous. Elle nous fait tout le temps la fête, elle est avec nous. C'est Marine. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Miss Tagada. Oui, Miss Tagada, oui. Je comprends pas pourquoi. Alors Marine qui va nous parler aussi de la fête de la musique, évidemment. Oui. Un événement qui aura lieu donc dans la région. Oui, c'est ça. Eh ben, c'est pas mal. Hein. Donc ça, ce sera pendant l'émission. Et il y a Sherlock, évidemment. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, Sherlock, ce soir, évidemment. Une chronique rétro-ciné où je vais revenir sur un film de l'année 2004. Bien. Oula. Et les sorties ciné pour la Belgique et pour la France où je vais essayer de vous donner envie d'aller au ciné. Eh ben, nickel. Alors moi, de mon côté, je vous parlerai d'une petite animation qui aura lieu juste derrière la frontière, à Waterloo, donc en rapport avec la Coupe du Monde. Et puis ensuite, si on a le temps, je vous ferai une petite chronique autour de la voyance. Voilà. Voilà. On sort des cartes. On se retrouve tout de suite après deux titres. Et le premier, c'est les Blues Brothers, parce qu'il y a le guitariste des Blues Brothers qui nous a quittés il y a quelques jours. Oh. Ah, c'est triste. Allez, c'est parti. Everybody needs

Bah, le monde entier. Oui, non, mais bon, c'est vrai qu'au Kenya, c'est un peu plus rare. Il y a une centaine de pays fédérés, puisqu'ils essayent de copier le modèle français, j'y reviendrai, parce que ça fonctionne très bien. Donc, le principe, il y a divers festivals de musique locaux qui se déroulent le jour de solstice, en fait, dans cette fête populaire quasi mondiale. L'Allemagne, la Suède, par exemple, les États-Unis, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, pour ne citer que les plus évidents, mais aussi la Chine. Il faut savoir que la France a imposé a proposé en 2005 et il lance ça. Il y a qu'un style de musique par contre. Là, voilà. Ouais, c'est particulier. Non, c'est marrant. Hein, la Colombie. Non, c'est pas la Corée du Nord non plus. Ah, oui, d'accord. Il y a la Colombie, la Turquie aussi. Donc voilà, des pays qui font la fête de la musique. Elle est surtout connue sous le nom de World Music Day, la journée mondiale en fait de la musique aux États-Unis, bien que le nom français soit aussi souvent utilisé dans certains pays anglophones. On appelle, même en Angleterre, on dit la fête de la musique. Yeah. La fête de la musique. La traduction littérale étant, mais fête de la musique, fête de la musique. Yeah. Voilà. Est-ce que vous savez, alors petit quiz pour les auditeurs et vous-même, de quoi ça vient en France? Mais en fait, c'est la France qui a lancé la fête de la musique, elle s'est développée. À votre avis? Il y a un rapport avec Jacques Lang? Non, absolument pas. Ah, j'aurais pu aussi, ouais. On en reparlera, mais... La Révolution française? Non. En 1984. Avant. C'est en 1976 par le musicien américain Joel Cohen qui travaillait alors pour France Musique. C'était un luthier, en fait, il jouait des instruments mais très très connus. Hein. Et en fait, il a proposé le nom des Saturnales de la musique pour le 21 juin et proposé aussi le 21 décembre. Il proposait de faire deux solstices et projet qui était difficile puisque vu la proximité des fêtes, la France s'est dit ouais mais là on peut quand même pas tout faire, ça va être compliqué. Donc il faut savoir que la première fête de la musique a donc été réalisée le 21 juin 1976 dans l'ouest parisien et du côté de Toulouse. Ah ouais, ça a été lancé. Ah ouais. Et tu me parlais, Sherlock, de Jacques Lang en 2015, donc assez récemment. C'est vrai, Jacques Lang, à qui on peut partir un investissement sans faille pour la création de la fête, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a remercié Joël Cohen pour son idée. Il n'a pas parlé de la Gay Pride, curieusement. Mais bon, comme dirait les inconnus, en même temps. Cela ne nous regarde pas. Voilà. Donc. La fête de la musique, avant tout, ben, on va en parler, a pour vocation de promouvoir la musique, mais avant tout, c'était pour les amateurs, parce que c'était vraiment de faire une découverte culturelle, et elle encourage avant tout, voilà, les gens à se mixer intergénérationnellement, de telle façon de faire un partage, que ça soit ethnique, culturel, etc. C'était comme ça, à l'époque, qu'on faisait et qu'on le souhaitait, hein. D'accord. Voilà. Donc, il fait très bien Chirac. C'est ça. C'est très bien Chirac. Donc voilà, beaucoup d'organisations de concerts gratuits et d'amateurs, mais aussi de professionnels. Elle permet à un public large d'accéder à des musiques, comme je disais, que ça soit du classique, jazz rock, world music, traditionnel. Donc ça se passait très très bien. Je vous donne un peu, je reviendrai sur les chiffres après. Il faut savoir que tel que nous concevons un concert, en fait ça touche souvent les 27-42 ans. C'est la moyenne en fait d'un concert. Et la fête de la musique touche les 17-61 ans. Donc ça me touche moi. Ça touche. Soit delta, je l'ai dit avant toi. Juste à la limite. Soit un delta générationnel de deux générations. Et c'est ça, sa force. Je reviendrai après une petite page de musique, c'est sur quelques chiffres qui sont assez intéressants et voilà, et des petits bémols sur la fête de la musique. Eh ben c'est cool. Allez, c'est parti. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup. I just call

RLM 107.9 FM. RLM. Toujours dans l'émission 120 au compteur, etc. Un très beau riff de guitare. Tu me rappelles le titre de la dernière ? C'était Mourir les sirènes par le groupe Canada. Ah oui, ouais, c'est très très très très sympa. J'ai bien aimé le riff. Hein. Allez, je vous parle de la fête de la musique. Je termine là-dessus. Je vous promettais de vous donner quelques chiffres. Depuis son lancement uniquement en France, et selon le ministère évidemment de la Culture, la fête de la musique permet chaque année de réaliser plus de 18 000 concerts. C'est quand même énorme. Hein. En France ? Ouais, 18 000 concerts en France par environ 5 millions de musiciens. Et j'ai compté, ça fait à peu près ça. Ouais, c'est 70. Oui, c'est ça, ouais. Non, c'est vrai. Il y a 5 millions de musiciens. Parce que non, mais t'as compté. Mais non, c'est les concerts. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Bah, j'ai fait 10, c'est pas compliqué de faire 10 millions divisé par 8 000 concerts. Et je me dis, ça paraissait énorme. Ah, oui, d'accord. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concerts aussi où les gens se mettent en musique classique, etc. Oui, il y a oui. énormément de concerts. Ce qu'on sait moins, par contre, c'est qu'il y a une autre conséquence très positive de ce succès. Vous avez entendu parler évidemment de la fête du cinéma. Oui, oui. La fête du cinéma, en fait, que ça soit à Cannes ou alors les journées du patrimoine, n'existait pas. Et en fait, comme la fête de la musique a existé, et vu que ça, ce domaine de l'art, le succès que ça a pris, on s'est dit, et si on le faisait pour le cinéma, qui est quand même voilà, un art moderne et patrimoine. Et en fait, ça a pris aussi, et il y a vraiment de très très grands succès. Le petit bémol de la fête de la musique, et je marquais pour ma part, après réflexion canonique, voire canonesque, je le partage. Il y en a beaucoup quand même qui pensent, et pourtant ils sont à 100% pour cette fête, qu'une date fixe n'est pas souhaitable. En fait, c'est vrai qu'on se dit, bah si, c'est le 21, c'est le jour de l'été, mais comme jeudi, on va en parler, il y a des concerts qui se font, etc. Et moi, pour ma part, enfin voilà, je vais me produire avec une amie. Ah oui, on en parlera d'ailleurs. J'ai des gens qui ne peuvent pas venir parce qu'ils travaillent le lendemain, parce que en fait, ça n'est pas un week-end. D'autres pays ont décidé de le faire très très proche du 21, mais toujours un vendredi soir. Donc ça peut tomber le 22, le 19, etc., etc. Oui, mais par ici, le fond, je trouve, hein, bah je trouve ça, voilà, c'est le petit bémol. Après, il y a le bémol technique où beaucoup disent, beaucoup se font du fric aussi, alors que bon bah il y a du bruit. C'est vrai que parfois c'est un peu insalubre et pas toujours nettoyé. Mais bon, ouais. Ça reste. Et puis il y en a d'autres aussi qui se produisent qui sont pas très bons. Faut être honnête. Voilà. Oui. Mais c'est des amateurs. Justement, à la base, ça permet de découvrir les amateurs. Oui, oui, mais quand vous baladez dans... après, tu non, non, non, non, non, mais vous baladez dans les rues de Lille, par exemple, il ouais, y a des groupes, on se demande d'où ça sort. Hein, ouais. Et parfois, t'as des petits... Ouais, non, je suis d'accord avec toi. T'as des martiens qui viennent chanter, bon, voilà. Mais je pense qu'après, c'est là, c'est le plaisir de la fête de la musique, c'est quand tu te balades, justement, t'es pris par, on va dire quoi, c'est 50 mètres carrés de musique, et tu te déplaces, et parfois, tu te fixes devant des groupes improbables. Moi, j'ai vu, on parlait de luthier, des mecs jouaient avec des instruments à l'ancienne, où c'est pas vraiment ma couleur musicale, et je suis resté bloqué pendant une dizaine de minutes parce que ça jouait vachement bien avec une nana qui envoyait des vocalises formidables quoi, et c'était vraiment très bien, mais j'ai pas fait une bonne journée. Eh ben écoute, merci de nous parler de cette fête de la musique, et bon on va la compléter juste après la coupure musicale, puisqu'il y a des événements, on va en parler, il y aura Marine qui nous parlera d'un événement donc par rapport à la fête de la musique juste après ça. Oui, après Liquido et Narcotique. Ah j'adore. Ça date de 99. Ouais, super. Wax, fit it out. a crack, sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin will tease me through the night. I hate to leave you bare, if you need me I'll be there. Don't you ever let me down. Days by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. RLM 107.9 FM. We are, we are, we are, we are, we are, we are, we are, we are. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Ils s'endorment, le lion est mort ce soir. Et c'est reparti. Sherlock, alors il faut le voir quand même en studio. Sherlock ne veut pas que je fasse ouais, pas voilà. ça pour que vous m'entendiez pas. Quand voilà, je... voilà. Il est là, il est... Ah putain, mais c'est le. C'est même pas moi qui fais ça, c'est que je me fais taper sur les doigts derrière. Donc, mais pourquoi? Ben parce que ça fait beaucoup de bruit à l'antenne. Mais ah oui, d'accord, faites oui, c'est vrai. Oui, faites vrai, de la c'est musique. Vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et ben justement, en parlant de fête de la musique, il y a plein d'événements autour de nous, bien évidemment, il doit en avoir sur Moucron, Marine. Oui. Alors justement, il y a un événement le 21 juin. Oui. Et t'as vraiment envie de nous en parler. Ça va se passer à Auchanlerce par contre. Ah ok. Donc, pas sur Moucron. Carrément dans une enseigne. Ouais. Ah carrément. Ouais. Donc c'est le groupe Zik Addict. Je sais pas si quelqu'un a déjà entendu. Zik Addict, non, pas du tout, non. C'est. Pardon. C'est ben, un groupe de 5 amis qui ont voulu former un groupe. Et du coup, ils jouent tout ce qui est blues, rock'n'roll, variété, un petit peu de tout. Et donc, ils vont se produire le 21 juin à 15h à Auchanlerce. Wow. Et c'est aussi un groupe qui fait pour des fêtes personnelles, donc pour les anniversaires, les mariages, dans par des salles. Mitzvah, alors, par mitzvah, ils vont se produire aussi. Où alors dans l'allée centrale ou Donc, ouais, c'est ça, au rayon non alimentaire, au début de Auchanlerce, en fait. Ah ouais, d'accord. Ah voilà, d'accord. Ouais, voilà. Bah c'est pourquoi bien. Pas. À 15h, c'est curieux 15h, comme ouais. format de. Mais c'est bien, ils font la fête de la musique très tôt. Ouais. Et bon, je vais à 15h et à 17h. Oui. Donc, et voilà, pour pouvoir plus connaître le groupe, ils ont un Facebook et un YouTube. Donc Zik Addict. Toi, c'est des potes, ça. Ouais. Toi, c'est des potes. Alors, c'est bien Zik. Hein. Zik, Zik Addict. Ouais. Z-I-K et Addict. Ouais, non, pas Addict. Pas Dick, Addict. Addict. Ah, Zik Addict. Jack Addict. Il y a aussi un autre événement aussi, tout aussi intéressant. Alors, c'est un peu plus loin, mais en tout cas, ça vaut le détour. C'est, ça se passe à Seclin. À Seclin. Voilà, donc au bureau. Au restaurant, le bureau. Ouais, au bureau. Ouais, enfin, voilà, l'enseigne au bureau. Ouais. Voilà. Ouais, c'est la zone commerciale, en fait, le club. Alors, tiens, curieusement, il y aura Blue le bail avec oui. Marie qui va venir chanter, donc oui. plutôt blues, rock, pop. Ouais, mais il y aura un mix quand même, ça va envoyer. En début de soirée, c'est un peu lunch et tout ça, et voilà. Et, donc, et après, il y a Gibbs Vocali, alors Gibbs là, tu Vocali, vas nous en parler. Ouais. C'est quoi ouais, bah, écoute, c'est un chanteur un peu vieux qui s'est pointé comme ça parce qu'on lui a dit une fois, tiens, tu chanterais pas. Voilà, il chante sur bande. Ouais, c'est ça. Et Gibbs, parce qu'il chante comme les Bee Gees ouais. ou Non, alors tout le monde me dit Gibbs Vocali, en fait, je l'ai pas inventé comme ça, j'ai fait appel à quelqu'un qui est dans ce monde-là, Gibbs. Harry, Harry Gibbs. Non, justement, Gibbs est un des prénoms anglophones les plus usités, mm-hmm. vraiment. Vous le voyez partout. Et Vocali, en fait, le on voit partout. Non, mais vous l'entendez, Gibbs, mais si. Non, mais vous l'entendez souvent. Pour les marques de whisky, voilà. T'as le Gibbs Martin On. Gibbs, le Gibbs ouais. Homme, etc. Gibbs, dans, c'est très très connu. Ouais. Moi, je sais que je connais, c'est dans une série. On dit bien Mel Gibson. C'est ça. Et quand Gibson. C'est que ça fait du bruit. Et donc Vocali parce que vocal et puis le lit parce que si tu ouais, d'accord. Vocalon ça fait con. Alors ta gueule. Oh mon dieu. Je crois non, mais, ça marche très bien. Voilà. Et redevenons sérieux parce que c'est la pire promo qu'on ait. Ouais. Bah, dis pourquoi c'est que c'est pour moi. Non mais voilà, Canon donc sera sur scène. Enfin oui. Sur le sol. Oui, sur scène. Donc au bureau, donc c'est à Seclin, vous savez, c'est la zone commerciale à Seclin, il y en a qu'un, de toute façon, donc ouais, vous pouvez pas le louper. À Seclin, vous prenez c'est la direction Leclerc, voilà, absolument. Voilà, absolument. Ça commence à quelle heure, là, dis-moi. Pardon. Alors, c'est à partir de 19h. Par contre, souvent, les gens disent, je viens à 19h30, et ça, on va commencer à chanter à 19h, mais jusqu'à 23h. Et donc, il y aura aussi Richard, que j'ai invité, Richard Cabi, ah, champion cool. d'Europe, hein, voilà, qui vient en tant que pote, voilà, passer une bonne soirée, il sera aussi, je sais, Harry. Voilà, et après, donc automatiquement, il chantera aussi, je lui dis, viens faire 3-4 titres. Donc voilà, ça va être sympa. Eh bah écoute, c'est noté, donc 21 juin, soit à Auchanlerce, ouais. soit donc Auchanlerce, bah au bureau. 15h, vous allez au Auchanlerce, vous faites 24 km, vous êtes au bureau Seclin, donc il y a un petit plat en plus sympa dans les 12 balles, vous pouvez boire un verre ou manger. Par contre, ça commence à être blindé, parce qu'à partir de 15h, vous avez tous les matchs de foot sur énorme écran qui sont retransmis, et ça s'arrête en fait à 18h. Sur énorme écran, hein, oui. Gollum, Yoda, sur énorme écran. Grand football sur énorme écran. Grand vont être et chanteurs bien. On va se calmer un peu, on va se retrouver après une pause musicale. D'accord. Taking me places I ain't never been, but now you're getting comfortable. so bold, ain't doing those things you did no more. You're slowly making me pay for things your money should be handling. And now you ask to use my car, drive it all day and don't fill up the tank. And you have the audacity to even come and step to me, ask to hold some money from me until you get your check next week. You're trifling, good for nothing type of brother. Silly me, why haven't I found another? A baller. When times get hard, need someone to help me out. Instead of a scrub like you who don't know what a man's about. Pay my bills. Peace perpetrating to your friends like you be falling. And then you use my cell phone, calling whoever that you think at home. And then when the bill comes, all of a sudden you be acting dumb. Don't know when none of these calls come from. Your mama's number's here more than once. You're trifling, good for nothing type of brother. Silly me, why haven't I found another? A baller. When times get hard, need someone to help me out. Instead of a scrub like you who don't know what a man's about. Pay your bills. Le dormeur doit se réveiller, se réveiller, se réveiller. Le dormeur doit se réveiller, se réveiller, se réveiller. RLM 107.9 FM. RLM. Et oui, donc toujours dans l'émission 120 au compteur, comme tous les mardis soirs de 20h à 22h. Donc on a un petit message de Valérie, de Véronique. Attends, c'est Valérie. Ah mais non, mais je suis troublé, je sais pas pourquoi. Il y a pas que les vieux chanteurs. Un petit coucou, voilà. Donc je lui réponds qu'effectivement nous sommes avec le Pandarou qui est venu nous rejoindre. Ouais. En parlant de Pandarou, disons aux auditeurs quand même que c'est un truc entre nous. Oui, évidemment, c'est une private joke, mais Véronique va très bien comprendre. Elle est la seule d'ailleurs. Voilà, donc surtout, effectivement, on ne le rappelle pas, mais si vous souhaitez nous envoyer vos coms, on a notre page Facebook 120 au compteur, donc n'hésitez pas et on sera un plaisir de relayer l'info donc sur l'antenne. Ou alors, vous pouvez nous appeler pendant les pauses musicales. Oui, au 056 34 11 81, ou si vous appelez depuis la France, au 00 32 56 11 81, 34 11 81, pardon. J'ai oublié un chiffre. On dit ça. Yes. Alors moi je vais vous parler d'un petit personnage, un dessin animé bien sûr, hein, parce que ça j'adore. Donc ça a été créé par les frères Nino et Tony Pago. Donc c'est une fiction italienne, je sais pas que vous trouviez c'est qui hein, quand même. Ouais. Donc c'est un petit personnage qui doit son nom en fait à la basilique de, je ne dirais pas le nom, de Milan, un lieu où en fait un des créateurs s'est marié. C'est un petit personnage. Pourquoi ouais. Tu ris, toi ? Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Mais non, bon, allez, c'est un petit personnage qui a vraiment pas de chance. Il est le 17e enfant d'une petite fratrie et il est 17e. Rejeté. 17e, Sherlock ? Et il est rejeté. Sherlock. Mais non, allez, vous n'êtes pas gentil. Il adore le basilic. C'est quelqu'un qui est très très naïf. Sherlock. Qui a toujours, qui a vraiment pas de chance. Pas Sherlock. On l'a trouvé, merde. Bon non, elle fait un effort quand même. Sa petite copine, elle s'appelle Priscilla. Ah, c'est pas Sherlock. C'est pas Sherlock. Non, ah, bah, c'est pas moi. Allez, un dessin animé. Ben non, c'est sans famille. Ben moi, je connais la réponse parce que tu l'as dit hors antenne. Donc ah bon. Oui, allez, vas-y, ça. Enchaîne, tu peux le dire. Ouais. Alors, t'as trouvé ? Oui, il y a une coquille. C'est un footballeur. Il fait des arts martiaux. C'est un footballeur. C'est Neymar. C'est Saint-Nicolas. Ouais, voilà. Non, c'est Calimero. Calimero. Ah, Calimero. Ah oui, t'es vraiment trop injuste. Alors, Calimero, ça nous parlait de... Calimero, ah oui, voilà. Calimero, en fait... Il y a sa petite copine, le malheureux Priscilla, qui lui remonte toujours le moral parce que bah, comme il est le 17e d'une famille, il est rejeté parce qu'il n'a pas la même couleur que ses petits frères et sœurs. Ah oh, oui, c'est vrai, il est tout noir. Oui, il est tout noir. Et alors, en fait... Tais-toi, Canon. Bah, j'ai rien dit, sa coquille est blanche. Et en fait, Calimero, lui, au départ, c'était un petit personnage pour une publicité pour de la lessive. Ah bon ? Ah oui ? Oui, ah, la lessive Ava. Et c'est devenu en fait vraiment qu'une série en 63. Et avant, il était. Allez. Elle a envie de se marrer toute seule. Oui, parce que moi j'adore ce petit personnage. Mais en fait, oui, on l'utilisait juste pour les publicités. Et ensuite, ils ont décidé de faire une série et d'enlever ben, tous les rapports à la lessive. Mais il est très connu. Faire, ouais. Non, mais ça va aller. Ils ont décidé de faire une bande dessinée, mais sans la lessive. Il y a eu une guest star qui était la mère de Nick qui est venue un moment. Bon, est-ce que vous vous souvenez des petits copains et des petits personnages? Qui je me souviens du canard. Du canard. Oui, canard, oui. Et il y avait un canard vert, il s'appelait Pierrot. Oui, c'est juste. Et le qui a fait de la pub aussi, canard WC. Non, lui, il vient pas de là. Et lui, Sherlock, il m'impressionne. Je pars jamais en vacances avec toi, moi. Il connaît les petits canards. Les c'est un peu bizarre comme non, mais c'est vrai. Non, mais le truc, c'est que ma fille regardait ça il y a pas longtemps parce qu'ils ont ressorti voilà, la série en 3D maintenant. Ah, en 3D. Ah oui, ça, c'est vrai, ouais, j'ai vu. Ouais. Donc en fait, Pierrot, le petit canard, c'est un col vert. Lui, il martyrise tout le temps Calimero. Ils viendront au fur et à mesure de la série les meilleurs amis, mais au départ, c'était vraiment le pire cauchemar de Calimero. Comme Sherlock. Il y a un autre petit oiseau aussi. Il y a un nom imprononçable, je sais plus quoi. Sherlock. Du style Adriano Celentano, tu vois. Non, le truc. Valeriano. Voilà, c'est ça. Valeriano. Ouais, je sais que c'était un nom bizarre. Oiseau vert, obsédé par la réalisation des films. Donc, il est toujours occupé de filmer les aventures de Calimero. D'accord. Et ben, c'est de quand c'est de quand le dessin animé 63. 63. Ouais. Ah, oui. Comme ton âge. non, pas encore. Tu nous parleras du, juste après la coupure musicale des autres personnages et puis un peu d'histoire de Calimero, et ça va rappeler beaucoup de souvenirs, j'imagine, à nos auditeurs et auditrices. Ok, c'est parti, on se retrouve tout de suite après les Backstreet Boys et Axel Red. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Back streets, back, alright. Hey, now. Oh my God, we're back again. Sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I everything you need? You better rock your body now. FM. Stop an instant, j'aime. Et là, présentement, vous êtes dans l'émission 120 au compteur, comme tous les mardis soirs de 20h à 22h. Je ne sais pas pourquoi tu ris, Anissa, mais bah, présentement, effectivement, voilà. Nonobstant, nous étions en train de parler de Calimero. Oui, alors dites-moi un peu les personnages qui étaient avec Calimero, parce que Sherlock, il y en a trouvé deux quand même. Bah oui, après, il y en avait d'autres. Alors, oui. La mère, forcément. Bah, ouais, son oui, comment père, s'appelait sa mère. La maman et le papa Calimera. Calimera, ouais. Son père, c'était Ambroise. Oui. Mais sa maman, je ne sais plus. Sa maman, c'est Zira. Hein, pardon ? C'est Zira, elle s'appelait ? Zira, la rousse. C'est Zira. Ah. Zira, Zira, pas Zira. Galettoni. D'accord. Papuitoni. Hein. D'accord. C'est marrant parce que je me rappelle pas du tout que c'était italien. Bah non, moi non plus. Ouais. Il n'y a pas vraiment de connotation italienne dans. Bah Calimero aussi, quand même. Bah oui, et pourquoi Calimero, vous avez retenu quand même ? Bah oui, à cause de la basilique. Oui, ou un des frères s'est marié. Il est noir. Mais c'est vrai que c'est passé un peu dans le langage courant maintenant. Calimero, c'est passé un peu dans le langage courant. Oui, c'est vrai. On dit ouais, arrête de faire ton Calimero. Bah oui, parce qu'il était toujours. La vie est beaucoup tout prendre vite. Ah, moi, je dis arrête de faire ton Sherlock. Arrête de faire ton Sherlock, c'est mieux. Ah, mais il y avait sa copine Rosalie aussi. Ah, oh. Ah, oui, c'est oui. Oui. Oui, il y a Carlos qui l'a changé d'ailleurs. Oh non. C'est pas gentil, quand même. Il y avait Maître Hibou, quand même, le maître d'école qui était très important. Ah oui, c'est vrai. C'était dans Winnie l'ourson, ça, Maître Hibou. Non, Maître Hibou, il est aussi. Dans Calimero. Oui, c'est vrai qu'il l'a aussi dans Winnie l'ourson, il a raison. C'est vrai. C'est juste, c'est juste. Donc voilà, vous avez toute la petite histoire. Et ça finit comment alors ? Alors il finit tout jaune. Tout jaune, alors il va falloir que tu nous expliques comment c'est qu'il finit tout jaune. Bah, c'est comme l'histoire du vilain petit canard qui finit en magnifique signe. Ils ont toujours cru que c'était un petit canard et lui en grandissant, c'est la même chose. Et en fait, Calimero, c'est parce qu'il lui arrive tellement d'aventures qu'il est jamais propre. Donc, pourquoi pas s'il est noir ? Non, il est noir parce qu'il fait plein de bêtises et qu'il se salit et qu'il est martyrisé. Ah oui, c'est d'accord. Et voilà. C'est la connotation non-obstant par rapport à la lessive. Oui, en plus, c'est pour ça. Je pense que c'est je sais pas, quand tu laves du noir, tu deviens blanc. Tu deviens pas jaune. Ouais, bah écoute. Ouais, mais lui, c'est un poussin à la base. C'est un poussin, oui, quand même. Hein, donc. Il est un peu sérieux quand même. Bon, Onissa, en tout cas, merci pour cette rétrospective sur Camino. Je voudrais quand même rajouter qu'il passe actuellement au cinéma. En 3D. Non. C'est rediffusé et maintenant c'est en 3D. En 3D à la télé ? Oui. Non, donc tu dois mettre des lunettes alors. Dans ta tête. Non, ça a été refait par ordinateur. Donc ouais, c'est, voilà. Ah ouais, c'est, pas, c'est, fait, d'accord. C'est une 2D. Ouais, c'est pas la 3D. Mais... D'accord. Hein, ouais. Et les jaunes ou noirs dans la 3D ? Il est noir. Il reste toujours noir. Ah d'accord, c'est bizarre parce qu'il était redevenu jaune. Et bah il est lui arrivé plein d'aventures. Il est devenu tout noir. Je suis content que tu sois revenu. Et ben, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire une coupure musicale parce que derrière, on va se retrouver avec le rétro ciné. Ça marche. 2004. Et ben on se retrouve juste après les Black Eyed Peas. Ah, yeah. J'adore Fergie. Wednesday and Thursday, Friday, Saturday, Saturday to Sunday. Do it. vous aimez, c'est sur RLM. Et oui, vous êtes bien sûr FLM 120 au compteur. Mais c'est pas possible. C'est vraiment trop injuste. Je vais vous parler maintenant d'un film. Non. Bon, d'accord. Donc, je vais pas vous parler de film, on va continuer l'émission. Non, non, sérieusement, je vais vous parler d'un film que j'ai regardé cette semaine, que j'avais déjà vu, parce que c'est un film que j'adore, mm-hmm. qui date de 2004. D'accord. Est-ce que c'est vraiment un gage que le fait que je l'adore, non, ouais. C'est pas du tout un gage de qualité. Ouais. Des canards, ouais. C'est pas du tout un gage de qualité, mais j'adore le film. Donc je vais vous en parler. Donc le film est un film de Richard Linklater. Mm. À la musique, c'est Craig Wedren. Et il y a notamment dans les acteurs Kevin Alexander Clark, Joey Gaydos Jr., Miranda Cosgrove, Mike White et Joan Cusack. Ok, ça vous dit rien du tout. Non, non, pas. Alors le film a fait 208 866 entrées au box-office français. Mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais alors le film a cartonné par contre après en DVD. Ouais. Ah, en DVD. Bah oui, oui, forcément. Oui, en 2004, oui, c'était en DVD. Il a quand même reçu 3 prix, dont un BMI Film Music Award, un British Comedy Award et un MTV Movie Award, et 4 nominations. Ouais. Donc c'est un film musical. C'est un film musical, oui, effectivement. Ouais. Et où ça joue bien puisqu'il y a le British. Ouais, alors je vais vous passer le premier extrait, écoutez bien. Alors vous aurez reconnu bien sûr AC/DC. Effectivement, c'est AC/DC. Alors, est-ce que ça vous donne un petit peu un... Est-ce que le film a un rapport avec un groupe? C'est un groupe dans le film? Pas de, enfin, oui, mais... Non, mais pas un groupe musical, hein, mais je veux dire un groupe de jeunes. Oui, effectivement. Ouais. Ah, t'as déjà trouvé, ouais. J'y crois pas. T'as déjà trouvé? Peut-être. D'accord. Ou alors t'as triché sur ma tablette. Non, d'accord. Pas du tout. C'est plutôt un film avec des adolescents. Oui, effectivement. Ouais. Bon, comme t'es bien parti, tu es sur la voie, je vais vous passer le deuxième extrait, qui est un extrait de dialogue. Écoutez bien. Guitare solo. Zach attaque. Va t'asseoir. À la basse. Bosh Spice. Au clavier, on prend Mr. Cool. Funky Freddy prend la batterie. Ok, Blondie, fil de fer, vous serez mes choristes. Mastoc, Minus et Fashion Boy, viens voir là. Vous êtes responsable de la sécurité. Votre boulot, de vous assurer que personne n'apprenne ce qu'on fait ici. L'avenir du groupe est entre vos mains. Votre première mission, insonorisez-moi la classe à neuf. Alors, est-ce que ça vous parle? Oui, c'est une comédie. Oui, c'est une comédie. Marine, je vois que tu fais des grands signes. Oui. Vas-y. Est-ce que je peux donner un petit indice? Ouais, c'est avec des concours de... Bah, ils vont faire des concours. C'est ça, oui, effectivement. Je vais vous passer le deuxième extrait. Alors moi, j'ai un autre indice, je veux savoir si je suis sur la piste ou pas. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec Noir? Oui, ouais, effectivement. Donc ça va alors. Je vois. Effectivement. Alors, je vais vous passer le deuxième extrait de dialogue, écoutez bien. Faire du rock, c'est envoyer paître le boss. Quand on est en classe, c'est moi le boss. Alors qui te voit le courage de m'envoyer paître, hein? Ferme ta gueule, Schnibli. C'est ça! Qui peut faire mieux? T'es le pire instit que j'ai jamais eu. Summer, j'ai adoré parce qu'on sent bien que t'es en rogne. Merci. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te cherche, Zach? Je sais pas. Si un mec n'arrête pas de te prendre le chou, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu me gaves. Stop out! Stop out! Alors, est-ce que ça vous parle? Oui, non. Bien sûr. Alors, bah, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer une chanson. Alors, la chanson qu'on entend à la fin du film, la chanson emblématique du film, qui en fait s'appelle la chanson de Zach, qui a été composée par l'un des élèves donc de cette classe. Et je reviendrai tout de suite après. Je vous expliquerai un petit peu le pitch et quelques anecdotes. Ça marche. Cool. Donc ça, c'était Zach Song du film que vous avez sûrement trouvé. Rock Academy. Oui, effectivement, Rock Academy. Donc c'est avec Jack Black dans le rôle principal. Donc c'est l'histoire de Doo et Finn qui est joué par Jack Black, qui est un artiste raté. Il vit en coloc avec son ami Ned Schnibbly. Et la petite amie de Ned le menace de l'expulser si Doo ne paye pas son loyer. Doo comptait sur son groupe pour trouver l'argent, mais est viré de son groupe. Il usurpe alors l'identité de Ned et se fait passer pour un prof remplaçant. Il découvre alors le talent musical des enfants de sa classe et décide de monter un groupe rock avec les élèves et compte sur eux pour gagner la Battle of the Band, donc la bataille des groupes rock, et ainsi pouvoir rembourser son ami Ned. Alors, il faut savoir que l'idée du... qui fait Evan. Il faut savoir que l'idée du film est venue quand le scénariste Mike White, donc qui joue le rôle de Ned Schnibbly, a déménagé dans un appartement à côté de Jack Black, et White trouvait souvent Jack Black en train de courir nu dans les couloirs ou de mettre une grande partie de la musique du film qu'on peut entendre à plein volume. Il faut savoir qu'en France, c'est Sébastien Coé qui double Jack Black. Ah ouais. Ouais. D'accord. Stephen Frears, le réalisateur des Liaisons dangereuses, a été initialement approché pour diriger le film, qui est revenu à la fin à Richard Linklater. C'est le premier rôle au cinéma pour Miranda Cosgrove, alors à peine âgée de 10 ans. Il faut savoir que le groupe de rock Led Zeppelin, qui hésite habituellement à autoriser l'utilisation de sa musique à des fins commerciales, sachant cela, Richard Linklater a filmé un plaidoyer par l'acteur Jack Black devant 1000 fans hurlant, implorant le groupe de laisser la production utiliser le Immigrant Song dans le film. Le plaidoyer a fonctionné et la demande filmée est incluse sur le DVD dans les bonus. Ah d'accord. Ça, c'est bien. Alors, Ellen Starger, donc directrice de casting de Rock Academy, auditionna durant 5 mois plusieurs milliers d'enfants âgés de 11 et 12 ans à New York, Los Angeles, Chicago, Minneapolis, San Francisco et Seattle. Ceux choisis pour jouer de la musique dans le film savaient effectivement jouer d'un instrument. Deux d'entre eux furent même repérés dans la populaire émission radiophonique From the Top, diffusée aux États-Unis et qui permet à de jeunes musiciens classiques de se faire connaître. Alors, petite anecdote, il faut savoir qu'il y a des cascadeurs qui ont été embauchés pour soutenir Jack Black lorsqu'il se lance dans la foule à la fin du film. Juste au cas où, quand même. Ouais, parce qu'il est assez costaud, quand même, hein, ouais, Jack Black. Alors, en Espagne, Jack Black a été doublé par le chanteur-acteur Dani Martin. Martin n'a pas d'expérience de doublage, mais il a été choisi parce qu'à l'époque du film, son groupe de rock El Canto de Loco a été a été un grand succès en Espagne. Ce doublage est considéré comme l'un des plus mauvais dubbing jamais réalisé en Espagne en raison du choix de Martin. Dubbing, ça veut dire doublage. Ouais, dubbing, c'est Dubbing Brothers, ah ouais, c'est les frères. Les oui, frères c'est, pour ça. C'est pour ça que souvent je vois les Dubbing Brothers. Ah bah ça. Tiens, ouais. Alors, pourtant, j'ai fait des cours d'anglais là. En 2014, il a été annoncé qu'Andrew Lloyd Webber travaillait sur une adaptation musicale du film. Il a ouvert donc ses portes à Broadway en novembre 2015 au Winter Garden Theatre et au London Palladium en 2016 avec Alex Brightman dans le rôle de Doo et Finn. Et enfin, une série télé a même été adaptée par Nickelodeon et reprend le film dans les grandes lignes. Elle compte à ce jour 3 saisons et apparemment, ce seraient les 3 seules saisons qu'il y aurait par rapport à ça. Ok, eh ben, bon. Rock Academy 240 000 entrées, après ça a cartonné en DVD. Ouais, 208 000. 208 000. Et ça a ouais, cartonné par contre en DVD. Ouais, ouais, c'est ça... étonnant, hein. C'était à l'époque. Quand t'étais ado ou. Mais c'était à l'époque où on louait encore Marie, des DVD. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, on louait des DVD à l'époque. Voilà. Oui, c'est vrai. Ouais, non, c'est aujourd'hui, vrai. Maintenant, il faut les acheter, donc ça marche un peu moins bien. Télécharger légalement, ça vaut cher. Oui, voilà, absolument. Tu l'avais vu, toi, Marine ? Oui. Pas parce que ça a été la première à trouver le titre, d'ailleurs. On peut le dire. Pour une fois ? Oui, c'est non, vrai. Pas pour une fois, ah parce ouais, que je pense que tu nous avais déjà coiffé au poteau. Bon, on dit ça, n'en parlons pas. Ouais, j'ai pas vu comme on n'a pas vu, on n'a pas eu le fameux mercredi. Ben non, il a pas fait. Non, c'est vrai. Méchant. Eh ben voilà. Eh bien, on va se faire une coupure musicale. Puis derrière, si. Pourquoi tu me donnes ton pouce, toi ? J'ai rien à faire de ton pouce. on se fait une coupure musicale. Et puis juste après, je vous parlerai de voyance si vous avez envie. Ah oui, d'accord. Je pourrais même vous faire de la voyance en direct. Sophie va être jalouse. Ouais. Allez, c'est parti. Je veux pas y aller à ce dîner. J'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas, allez, on n'y va pas. En plus, faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine. J'ai l'air d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir, je les aime bien tes amis. Mais je veux pas les voir, parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. Je suis pas d'humeur, tout me déprime. Et il se trouve que par hasard, il y a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d'œuvre du 7e art que je voudrais revoir. Un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez. C'est une satire sociale dont le personnage central est joué par De Funès. En plus, il y a des extraterrestres. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. Toi, la télé et moi. J'ai des frissons, je me sens faible, je crois que je suis souffrant. Ce serait pas raisonnable de sortir maintenant. Je préfère pas prendre de risques, c'est peut-être contagieux. Il vaut mieux que je reste, ça m'ennuie, mais c'est mieux. Tu me traites d'égoïste. Comment oses-tu dire ça? Moi qui suis malheureux et triste, et j'ai même pas de home cinéma. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. Toi la télé et moi. RLM 107.9 FM. just you. It's already been done, undo it. It takes two. It's up to me and you to prove it. RLM. Toujours dans l'émission 120 au compteur, hein, comme tous les mardis soirs, évidemment, 20h-22h, vous commencez donc à prendre l'habitude. J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous balancer vos coms, hein, sur la page Facebook. Charlotte, comment fait-on ? Vous prenez vos petits doigts boudinés, ou pas boudinés d'ailleurs, vous tapez sur votre clavier... Vous mettez émission 120 au compteur. Ouais. Vous nous je rappelle qu'on a 3 minutes d'antenne. Donc. Bon, d'accord, vous nous balancez un com et puis on vous répond en direct si on a le temps de le voir. Voilà, absolument. Très efficient, garçon. Alors, moi, je voulais vous parler de voyance, tiens, dis donc. Oui. Ah, ouais, alors je sais pas si vous, un d'entre vous, a déjà été consulté des voyants ou ce genre de choses. Oui, oui. Bon, il existe plusieurs types de voyance, évidemment. On peut lire dans les cartes, on peut lire dans les lignes de la main. Dans les mains de café. Voilà, exactement. Alors, moi, j'avais un pote qui lisait dans le mar de champagne. Ah ouais, bah ouais, pourquoi pas. Au bout de bouteille, il disait plus rien. Mais... Oui, bah, j'imagine. Mais là, en l'occurrence, j'ai envie de vous parler de rumpologie. Est-ce que ça vous parle, la rumpologie ? Non. Tu dis dans le rhum. C'est à base de rhum-pomme ? Alors, pas du tout. Alors, c'est l'art de prédire l'avenir d'une personne par l'étude des lignes de ses fesses. Ah oui, c'est la maman de Stallone qui fait ça. Exactement. Alors, c'est elle qui l'a promu, mais oui. À la base, ça vient de la haute antiquité. Voilà. Donc ça existe vraiment. Tu veux lire l'avenir des gens dans les lignes des fesses et dans la raie des fesses. C'est ça. Voilà. Absolument. Voilà. Et donc, je me suis intéressé évidemment donc à cette pratique. J'adore. Un trou noir, c'est trou blanc. Et donc voilà, effectivement, il faut savoir par exemple que plus le pli donc sous les fesses est long, et plus l'espérance de vie est importante. Ah bah, voilà, je vais vivre jusqu'à 200 ans. Il faut savoir aussi autre chose. Par contre, s'il y a des poils, ça réduit de moitié. Alors, si quelqu'un se sent visé, hein, surtout n'hésitez pas à le dire. De toute façon, hors antenne, on fera une petite séance, oh, si vous le souhaitez. On fera une photo. Si l'arrêt part vers la droite, vous avez du succès au travail. Sherlock, si l'arrêt part vers la gauche, vous avez plus de chances d'avoir des échecs. Okay. Si vous avez la ligne, alors la ligne, vous savez, la ligne juste en dessous des fesses symétriques, là je parle pour Marine, oui. Vous êtes épanoui. J'ai peur. Si les lignes sont asymétriques, par contre, là vous êtes plutôt, vous faites preuve plutôt d'égoïsme et d'immaturité. Voilà. On peut continuer. Bah, si vous avez les fesses galbées et rebondies, oh, mais ça, ma c'est chère Onissa. Suivant l'âge. Ça veut dire que vous êtes charismatique. Alors là, ça va faire plaisir certainement à certaines de nos auditrices qui ont la culotte de cheval, par exemple. Donc la culotte de cheval. Vous, mesdames, qui avez la culotte de cheval, sachez que grâce à la rumpologie, ça veut dire que vous êtes terre à terre et patient. Et si vous avez les fesses en forme de poire, ça veut dire que vous êtes loyal et digne de confiance. Ça veut dire quoi, Berthe? Alors il y en a plein d'autres comme ça, évidemment. Mais je savais pas que ça existait. Si, ça existe. Et il y a même des éminents praticiens et praticiennes en France, qui le font. Alors, je vais m'intéresser, voilà. Donc bah moi, ce que je propose aux auditeurs, c'est de nous envoyer une photo de leurs fesses, de nous l'envoyer sur Facebook, et puis bah on vous interprétera. arriviez à vous tirer l'avenir à domicile. Voilà. Mais oui, effectivement, donc tu fais bien de le préciser. Jackie Stallone, donc la maman de Sylvester Stallone, pratique la rumpologie. Alors, rump qui vient de l'anglais, croupe. Donc, la rumpologie. D'accord. Donc, l'art de lire dans les fesses. Donc, okay. De lire l'avenir dans les fesses. Bon. Un peu la tête dans. On va faire une coupure musicale. Ok, après ça marche. Oui, allez, c'est parti. On se retrouve après Pink et Noah Moon. Les apparences, il ne reste que les l'essentiel, l'évidence. Well, I'm on my way, on my way, on my way to paradise. Mon chemin, mon destin, mon bonheur, oh my paradise. Non, rien ne m'arrête, je sais où je vais, oui, où que j'aille. I'm on my way, I'm on my way, yes, I'm on my way, hey. Oublie toute la distance. C'est ta route, ta force, ta danse, ta danse. Well, I'm on my way, I'm on my way to paradise. Mon chemin, mon destin, mon bonheur. La musique que vous aimez, c'est sur RLM. RLM. C'est parti en sucette dans le studio. Quoi, ah, je quoi. Non, non, j'entends le jingle, j'ai l'impression que c'est un bug. RLM. Bon, là, je vais vous parler des sorties ciné pour détendre un petit peu l'atmosphère. Ah oui, bien qu'elle est déjà bien détendue. Ouais, hein. Oui. Alors, donc, je vais vous parler c'est des. C'est comme ça que tu l'appelles, toi, l'atmosphère. Oui, oui, oui. Alors donc je vais vous parler des sorties cinéma en Belgique et en France, et je vais commencer avec la Belgique avec le film Contrôle parental, donc qu'on appelle aussi Blockers. C'est un film de Kay Cannon avec Leslie Mann, John Cena et Catherine Newton. Je fais beaucoup de choses en ce moment. Donc c'est l'histoire de trois parents qui découvrent que leurs filles ont fait un pacte pour perdre leur virginité durant leur bal de promo. C'est une comédie. Alors c'est assez rare de voir John Cena dans une comédie, parce que lui c'est plus un gros bras, il faisait partie de la ligue de catch, et c'était plus des films d'action où il fallait taper dans le tas, et là c'est c'est un peu le truc du film. Oui, il n'est pas venu pour ses gros bras, hein. Bon. Alors ensuite il y a le film Love Simon avec Nick Robertson, Catherine Langford et Alexandra Shipp. C'est un film de Greg Berlanti. Ça sort en France le 27 juin. Donc, on mérite tous une première grande histoire d'amour. Pourtant, pour Simon, c'est compliqué. Il a une vie normale dans une famille qu'il adore et entouré d'amis extraordinaires. Mais il garde pour lui un grand secret. Personne ne sait qu'il est gay. Et il ne connaît pas l'identité de son premier coup de cœur, avec qui il communique en ligne. Alors que son secret est menacé d'être révélé, la vie de Simon bascule dans une aventure aussi drôle que bouleversante. Ses amis prendront alors une place essentielle pour l'aider à changer sa vie et découvrir le premier amour. Voilà. Donc c'est une comédie, mais enfin... oui, c'est gay, oui, effectivement. Je le prends au mot. C'est quoi le film? Il y a une chambre, ils arrivent à 10 et ils love Simon. Ensuite, alors, sort en France et en Belgique demain le film Bécassine. C'est un film de Bruno Podalides avec Emeline Bayard, Karine Viard et Denis Podalides. Donc c'est Bécassine qui naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d'enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris, mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grantaire, va bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice, mais pour combien de temps? Les dettes s'accumulent et l'arrivée d'un marionnettiste grec peu fiable ne va rien arranger. Mais c'est sans compter sur Bécassine qui va prouver une nouvelle fois qu'elle est la femme de la situation. Donc c'est tiré alors de plusieurs BD de Bécassine. Ah oui, je me demandais, c'est vraiment Bécassine en fait. Oui, oui, c'est. Oui, mais non, mais. Non, non, elle a son costume. Si, si, si. C'est vraiment Bécassine. Ah oui, c'est son costume. C'est tiré de plusieurs BD. Moi personnellement, j'ai pas accroché à la bande-annonce. Après. Bah, faut aimer Bécassine déjà à l'origine, hein, je pense. Oui, mais attention qu'il y a une polémique. Alors que. Bah, elle dit ça. Dans la BD, Bécassine n'a pas de bouche. Donc là, elle en a une. Mais bon. Mais qui aime Bécassine? Dans la BD, elle a pas de bouche. Bah oui, Bécassine, c'est deux yeux et un nez. Elle a pas de bouche, je crois, Bécassine. Hein. Personne ne l'aime. C'est un film muet. Je sais pas. Bon, et je vais finir donc avec le film Le Doudou. C'est un film avec Kad Merad, Malik Bentala et Guy Marchand. C'est un film de Philippe Mekelen. Et donc ça sort également en Belgique demain. C'est Michel donc, qui a perdu le doudou de sa fille à l'aéroport de Roissy. Il dépose un avis de recherche avec une récompense. Sofiane, donc, qui est jouée par Malik Bentala, employée à l'aéroport, y voit l'occasion de se faire un peu d'argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur les traces du doudou. Une mission plus compliquée que prévue. Qu'est-ce que c'est nul comme scénario. Bah ouais, mais bon. Vraiment. Ouais, ça a l'air sympa. Il leur arrive pas mal de conneries quand même. Bon, Marine, t'irais voir quoi? Love Simon, parce que le livre il est beau, donc le film. Ah d'accord, c'est vrai que c'est une grande lectrice, Marine. On dit ça? Bécassine. Elle a pas de bouche. Oui, mais c'est, en fait, ils ont bien fait ressortir la naïveté du personnage. Et comme elle est naïve, elle ose tout. D'accord. Canon, tu vas voir. Moi, je vais voir celui qui tape dans le top. Ah, bloqueur. Ouais. Contrôle parental. Ouais, c'est ça. Je pense que j'irai voir celui-là aussi parce que la bande-annonce m'a bien plu. Et toi, excuse-moi, rapidement, t'as pas fait le synopsis du premier? En fait, elles veulent perdre leur virginité et ils se passe quoi? Les parents vont tout faire pour qu'elles le fassent pas en fait. Ah oui, d'accord, ouais. C'est d'accord. Ça. Ah, oui. Et toi, il va forcément leur arriver plein de conneries. Bécassine. Avec quoi? Parce qu'elle a pas de bouche. J'y vais pas aucun. Eh ben là, je vous propose de se retrouver juste après J Balvin et Oshi. Oshi, allez. Ah, c'est le poste technique. Allez, c'est parti. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, po. Hacer un sismo, ahora da lo mismo. El amor y el turismo, diciéndole que no al que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En este disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En este disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Y yo hoy estoy aquí imaginando. Sexy baila y me deja con las ganas. Y yo hoy estoy aquí imaginándolo. Sexy baila y me deja con las ganas. Qué bien te queda a ti esa palita. Ella señora, no es señorita. Sexy baila y me deja con las ganas. Cómo te lustras cuando lo meneas. Cuánto quisiera hacerte el amor. Enséñame lo que sabes. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. One, two, three, let go. Jay Balvin, man. The business. Sky, rompiendo el bajo. Mostly. Let go. Hit RLM 107.9 FM. D'abord j'ai perdu des amis, j'ai perdu du temps. Ensuite j'ai perdu toi aussi. Pourtant Dieu sait que dans ma vie tu fais la pluie et le beau temps. Je sais plus comment les attraper, les mains qu'on me tend. Bien sûr que je voudrais m'arracher des bras de la solitude qui m'enlace trop souvent. Si mon cœur est en verre, comment voir à travers? Franchement, je sais pas moi-même ce que je ressens. Je me lèverai de mon lit pour marcher un peu. Adieu, jolie mélancolie. Je veux plus de toi dans ma vie, t'as trop traîné dans mes yeux. Mes yeux tatoués de nuit blanche, se ferment pour toi. Des souvenirs en avalanche, et c'est l'effet boule de neige qui me ramène dans tes bras. J'ai le cœur en hiver, longtemps que j'ai paumé le printemps. Je sais pas vraiment ce qui m'attend. Je sais pas comment je vais faire, non. J'assiste à mon propre enterrement. Je n'ai pas besoin de fleurs. Je veux qu'on m'offre des jours meilleurs. Car rien ni devant ni derrière. Si je vous ai lâché, pardonnez-moi, j'étais écorché. Je pense mes plaies une à une. Et tout ce temps que j'ai semé, et tous ces mots qui m'ont sonné, j'avance blessé, mais sans rancune. Je ne sais pas comment je vais faire. Non, j'assiste à mon propre enterrement. Et oui, il nous reste quelques minutes toujours dans l'émission 120 au compteur, comme tous les mardis soirs. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Il nous reste que quelques minutes. Alors moi, je vais vous annoncer aussi un autre événement qui peut être aussi sympathique, puisque c'est la Coupe du Monde. Alors pour fêter donc la Coupe du Monde de football, sachez que derrière la frontière, donc à Waterloo, sur tous les marchés, donc les marchés de Waterloo, il y aura une opération où vous aurez la possibilité donc de gagner des casquettes, des t-shirts officiels de l'équipe de France, des ballons. Ça, ce sera donc sur tous les marchés. Sur tous les marchés. D'accord. Donc le marché du jeudi matin, le marché du vendredi et le marché du dimanche. Alors pour ceux qui sont de Waterloo, le jeudi donc ça se passe au Bazanos, hein, juste en face quasiment de la mairie. Ouais. Le vendredi ça se passe donc à la Bousserie. Saint-Pavé-en-Bousserie. Et le dimanche évidemment c'est au Laboureur et j'aurai le plaisir de faire l'animation. Ah, donc cool. Je serai accompagné d'une hôtesse. Voilà, et je ferai gagner donc non, une très jolie hôtesse d'ailleurs, donc et j'aurai le plaisir de faire gagner donc en partenariat évidemment avec tous les commerçants des marchés, donc j'aurai le plaisir de faire gagner donc soit des t-shirts, des casquettes, des ballons, et il y en a des lots, je crois qu'il y en a plus de 900, donc tu fais les animations de trois marchés. Oui, sur les trois marchés. Je vais venir te voir à la mousserie. Ah bah venez me voir à la mousserie. C'est un des marchés qui marche le mieux d'ailleurs. Et c'est assez sympa. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, bah, c'est gratuit, profitez-en. Hein. Alors moi je vais poser des questions sur la Coupe du Monde. Donc ouais. Il va falloir que j'apprenne un petit peu. C'est toi qui dois poser les questions. Bah, vous savez, voilà. En ce moment la Coupe du Monde elle est plutôt courte, un peu blonde. Non mais bon. Voilà, en ce moment c'est la Coupe de Neymar qui fait polémique. Ouais, absolument. Donc voilà, si vous faites les marchés, n'hésitez pas, puis on se croisera, j'y serai, donc je vous le rappelle, hein, donc c'est jeudi, vendredi et dimanche. Donc jeudi, ça se passe donc au Bazanos, le vendredi à la Mousserie et le dimanche donc au Laboureur à Waterloo. Voilà. Ah bah c'est cool, bien. Ouais, c'est bien. Ok, ça marche. Bah, il nous reste quelques minutes, donc on se retrouve tout de suite après une petite coupure musicale pour se dire au revoir. Okay. Ce sera cool alors. Là, c'est avec Kaleo et Way Down We Go. Mais qu'est-ce que c'est que ces titres ? Mais si, tu connais. Si, ah, bien. Bah oui. Ah, mais si, c'est bien, mais dit oui, Marine. C'est bien. Ah, si Marine dit, c'est bien, c'est bien. Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And way down we go. On va se quitter donc sur Kaleo, c'est ça? Non, alors on vient d'écouter Kaleo. Ouais, bah on se quitte sur Kaleo. On est oui, bien, c'est ça. Ouais, bon, c'est bien ce que je viens de dire. Bah oui, avec le titre Way Down We Go. J'adore. Non mais c'est un peu mou quoi pour terminer. On aurait pu terminer sur un Annie Cordy. On va encore avoir la petite. Ça aurait fait plaisir à Arnaud, évidemment, qu'on retrouve tous les matins dans les matinales entre 7h et 10h. Eh bien, alors moi je vais proposer un titre, j'attends toujours qu'il le passe, c'est Boney M avec Calendar Song. Ah bah ouais, tiens. Et j'attends qu'il le passe, je le mets au défi de le passer à l'antenne. Il a peut-être passé, tu l'as pas entendu, tu es quand même non, pas 5h du matin jusqu'à... Non, mais j'écoute de 7h à 10h tous les matins, donc s'il l'a passé, c'était hors antenne. Hein. Ah, je savais que t'as pas de métier, toi. Sur ce, eh ben, on va se quitter, il nous reste qu'une fraction de seconde pour se dire au revoir et remercier tous les gens autour de la table. Merci à Marine. Mais merci à toi, vous, voilà. Vu son âge, faut dire vous. Merci Yonissa. Allez, bonne soirée à tous. C'est toujours très épanoui, hein, n'est-ce pas? Oui, j'adore. Je l'ai lu. Dans mes fesses. Merci à Canon. Ça, c'est on retrouve la semaine prochaine, évidemment. Ouais, je te vois jeudi. On se retrouve tous la semaine prochaine. Et on se voit jeudi, évidemment. À Seclin, si vous voulez passer au bureau. Voilà. À Seclin, par donc, le restaurant, le bureau. Hein, c'est important. Parce que passe dans mon bureau. Et puis, merci à Sherlock. Mais je vous en prie. Et puis, donc, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Merci à toi, Harry, aussi, quand même. Et bien de rien. Et puis, et toi, on te retrouve sur les marchés. Ouais. Bisous. Allez, on vous bise tous. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Et bien sûr, restez à l'antenne de RLM. 107.9 FM. Ouais, exactement. Et c'est toujours aussi bon. Et avec nous, c'est meilleur. Et voilà. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bisous, bisous.